Clermont-Ferrand vous invite au cœur de l'histoire sur Europe 1. Vladimir Fedorovski vient de faire paraître chez Stock un ouvrage intitulé « Au cœur du Kremlin, des tsars rouges à Poutine » et il est l'invité de Franck Ferrand cet après-midi. Bonjour Franck. Bonjour Anissa, bonjour à tous. Grâce à Vladimir Fedorovski, qui a connu personnellement les personnalités, les maîtres du Kremlin, je vous propose de nous faufiler, tels des petites souris, dans les couloirs, les antichambres, les bureaux et les arrière-salons de l'un des lieux de pouvoir les plus fascinants de la planète. Et je sens que nous allons en apprendre sur le quotidien des chefs soviétiques. Oui, notamment donc sur celui de Léonid Brejnev à la fin de ses jours. Vous allez voir que son entourage nous réserve des surprises entre une Raspoutine en jupon et une Mata Hari de la drogue. Au cœur de l'histoire sur Europe 1. Franck Ferrand. Un jour de l'année 1973, un peu avant 9h du matin, Léonid Brejnev, qui est secrétaire général du PCUS, il l'est depuis 9 ans en 73, Brejnev donc quitte comme tous les jours sa datcha de 3 étages située à une dizaine de kilomètres de Moscou. Il vient de finir son petit déjeuner en compagnie de sa femme Victoria et de son garde du corps, qui appartient forcément au KGB. Brejnev se rend au Kremlin pour une journée qui sera longue, et j'ai envie de dire comme tous les jours. Il rentrera dîner à une heure tardive, probablement, mais il ne se sent pas très bien. Il a du mal à respirer, il sent des douleurs au niveau de la poitrine. Ce sont, en vérité, les premiers signes d'une maladie cardiaque, dont le monde entier apprendra peu à peu à découvrir les effets, et encore, avec beaucoup de difficultés, bien sûr. Jusqu'à présent, Léonid Brejnev, qui a 67 ans, était plutôt un homme en bonne santé qui a gravi progressivement tous les échelons au sein du Parti communiste. Il avait décidé de devenir dessinateur industriel au départ, dans les années 30, après des études de technicien agricole. Voilà ce que nous dit Vladimir Fedorovski dans le roman de la Perestroïka. Cette reconversion forcée favorisa son recrutement dans la plus grosse usine sidérurgique de la Roure soviétique. Sa promotion fut d'ailleurs instantanée, n'ayant porté aucune responsabilité dans la répression stalinienne, il succéda rapidement à son directeur puis au secrétaire du parti, tous deux fusillés lors des purges de 1937. Il devint ainsi, sans avoir jamais reçu la charge d'un portefeuille ministériel, l'administrateur de l'une des plus importantes régions d'Union soviétique qui produisait à elle seule près du quart de l'acier du pays. Léonid Brejnev est un homme qui aime la vie, c'est un collectionneur de voitures de sport, oserais-je dire que c'est un collectionneur de femmes, il a une activité physique importante, il ne lésine pas non plus, c'est le moins qu'on puisse dire, sur la consommation de vodka, à tel point qu'il a dit un jour à un de ses collaborateurs « Mais vous ne connaissez pas la Russie, pour vivre dans ce pays, il faut picoler ». Son secrétaire personnel, autant dire son premier courtisan, c'est Constantin Tchernienko, un de ses plus fidèles compagnons de beuverie, si je puis dire, et qu'on surnomme d'ailleurs son ouvreur de bouteilles au Kremlin. Lorsqu'il devient premier secrétaire du Parti communiste, donc en 1964, puis secrétaire général 2 ans plus tard, il continue de pratiquer 2 heures de natation chaque jour, il chasse toutes les semaines, il est obsédé par les kilos en trop. Et chez lui comme à Moscou, il fait très attention à sa ligne et notamment il a toute une petite collection de balances. Vous voyez, il fait attention, il surveille son poids. Très attention à son apparence, Brejnev. Un coiffeur soigneusement sélectionné par le KGB s'occupe 2 fois par jour de sa chevelure. Un couturier lui confectionne des costumes qui sont toujours taillés sur mesure. Quand j'étais petit, j'avais l'impression que ces costumes, je me rappelle ça me frappait à la télévision, j'avais l'impression que ces costumes étaient en carton tellement. On ne voyait jamais un pli, c'était assez étonnant ça. Tout sur mesure bien entendu, avec des meilleurs tissus venus de Londres. Sur ses vestes, Léonid Brejnev arbore de nombreuses médailles. Vous savez, il a ce côté général tapioca qu'on connaît chez un certain nombre de hiérarques du Parti communiste. Il boit toujours énormément et l'âge avançant, la santé de Brejnev décline. Après cette alerte cardiaque dont je vous parlais, il va réclamer un élixir de jouvence. C'est dans « Au cœur du Kremlin, des tsars rouges à Poutine » que Vladimir Fedorovski nous raconte la chose suivante. Des instituts scientifiques ultra secrets et des départements universitaires entiers travaillent sans relâche pour lui donner satisfaction. Il veut son élixir de jouvence. Un laboratoire de complexe militaro-industriel parvient à mettre au point un stimulateur autonome qui peut être ingéré sous forme de pilule. Grâce à des impulsions envoyées au cerveau sur les mêmes longueurs d'onde que les relais naturels, le dispositif régénère l'énergie de l'organisme, lui apportant une vitalité nouvelle. On est au sommet de ce que la science soviétique a pu faire de plus performant, bien sûr. Les problèmes cardiaques de Brejnev n'en continuent pas moins, je vous rassure. Certains de ceux qui l'entourent lui conseillent d'ailleurs de faire appel à ce moment-là à un guérisseur. On lui conseille plus précisément une jeune femme brune aux yeux sombres et brillants, une jeune femme d'origine géorgienne. Elle s'appelle Evgenia Davitachvili et tout le monde l'appelle Juna. Elle a une vingtaine d'années, elle est vraiment toute jeune. Elle vient d'une région de Krasnodar, donc on est là au sud-ouest de la Russie. C'est une femme assez étonnante d'aspect. Elle est envoûtante, on la sait astrologue, elle est peintre à ses heures, poétesse, même guérisseuse avant tout. Et du fait de ses origines, de cette chevelure brune et de ses yeux si sombres, on l'appelle, et elle se fait appeler elle-même, la princesse assyrienne. Nombreux sont les apparatchiks de haut rang et les artistes qui déjà ont eu l'occasion de solliciter les soins de Juna. Elle a bonne réputation, c'est le moins qu'on puisse dire. Quand Brejnev la rencontre, il est tout simplement séduit par la jeune femme. Je vous l'ai dit, il est très amateur et très connaisseur en la matière. On raconte qu'en 1974, alors qu'il était en visite en Crimée, il a voulu voir une femme qui avait été sa maîtresse pendant la Seconde Guerre mondiale. Et lorsqu'il l'a vue, Brejnev a jeté un manteau de fourrure aux pieds de celle qui était devenue à ce moment-là une dame d'un âge très mûr. Et elle lui avait dit à ce moment-là, « Léonid, tu es un vrai tsar ». Mais le KGB ne voit pas d'un bon œil l'intervention d'une guérisseuse, autant dire d'une personnalité relativement incontrôlable, auprès du numéro 1 de l'Union soviétique. Yuri Andropov, qui est le patron du KGB, qui lui-même est malade, on aura l'occasion de s'en rendre compte plus tard, il soigne ses reins dans une station thermale nichée sur les flancs du Caucase. Andropov, donc, donne néanmoins son accord, mais par précaution, il consulte les spécialistes de l'Institut de radiotechnique et de radioélectronique de l'Académie des sciences. Là, on est bien dans l'ambiance soviétique. Ces derniers, lui, assurent que Brejnev ne craint rien. Les massages que lui prodigue la jeune femme en question et tous les soins plus ou moins occultes sont, semble-t-il, apparemment inoffensif. Juna ne masse pas ses patients, mais en vérité, pour tout vous dire, elle passe lentement pendant un certain temps ses mains au-dessus de leur corps. On connaît bien sûr cette pratique. Elle affirme disposer, je la cite elle-même, d'un champ biologique très développé. « Quand je passe ma main au-dessus d'un corps, dit-elle, je sens par des picotements et des démangeaisons l'état des organes survolés. » Nous avons plus ou moins tous eu l'occasion de connaître des personnes dotées de ce don-là. Le tout Moscou a surnommé notre jeune femme l'égérie magnétique, en l'occurrence l'égérie magnétique de Brejnev. L'état de santé du patron du Kremlin s'améliore légèrement. Malgré ce cœur fragile, il est désormais persuadé que pour conserver la santé, il va devoir dormir 9 heures par jour, ce qui, lorsqu'on dirige un grand pays, n'est pas très facile, il faut bien le dire. Il se gave de barbiturique et d'antidépresseurs. Et les antidépresseurs, il les avale avec des bonnes petites rasades de vodka. Il faut ce qu'il faut. Le chef du KGB, donc Andropov, qui a été averti de tout ça, est un peu effaré et il fait établir carrément une antenne médicale auprès de Brejnev. Ce poste médical est tenu par 2 infirmières. Et voilà, nous y arrivons. L'une de ces infirmières, une fois encore, ne va pas laisser le premier secrétaire indifférent. Thank you. Un extrait de la valse de Dmitri Shostakovitch à l'instant sur Europe 1. Restez avec nous cet après-midi. Franck Ferrand vous emmène au cœur de l'histoire du Kremlin. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck, vous nous racontez les dernières années de Brejnev à la tête de l'Union soviétique. Vous nous parlez également de l'influence de deux femmes en particulier, une guérisseuse et une infirmière. Oui. Alors quand on pense aux guérisseurs en Russie, on pense tout de suite à Rasputin à l'époque évidemment. Du tsar Nicolas II. Est-ce que c'était fréquent à l'époque de faire appel à des guérisseurs ? Ah oui. On est en Russie. Oui, c'est très fréquent. En 1568, le premier conseiller d'Ivan le Terrible est un astrologue nécromancien d'origine hollandaise, Elisius Baumel, qui a joué un rôle très important. Il avait prédit des révoltes, il a convaincu le tsar Ivan que les pierres précieuses possédaient un pouvoir de guérison, etc. Au début du 19e siècle, on a quand même eu Alexandre Ier, personnage fascinant dont nous avons souvent eu l'occasion de parler ici, et qui lui consultait la baronne Krudener, vous savez, cette femme de lettres un peu, comment pourrons-nous dire, un peu illuminée quand même, qui voyait des anges partout et qui ne se mettait jamais à table sans dresser un couvert pour le Christ. Elle avait vu en Napoléon Bonaparte l'incarnation de l'antéchrist au passage. Et puis alors donc, avant Rasputin, Nicolas II avait fait venir auprès de lui un voyant et guérisseur français, maître Philippe de Lyon. Donc tout ça a continué, même avec le communisme, les guérisseurs et autres devins qui ont été écartés officiellement sont restés, si l'on peut dire, dans les allées du pouvoir ou dans les contre-allées. Staline s'est attaché les services de Wolf Messing, par exemple, qui était un hypnotiseur, voyant à 16 heures. Il est consulté, ce Wolf Messing, sur le pacte germano-soviétique. Et plus tard, pendant la crise de Cuba, c'est encore lui qui va être consulté par un certain nombre de conseillers de Nikita Khrushchev. Donc, le successeur de Khrushchev, si l'on peut dire, ça s'est pas passé d'ailleurs tout à fait comme ça, Léonid Brejnev, a toujours cette santé dont on ne peut pas encore dire qu'elle soit chancelante, mais qui se révèle préoccupante. Deux infirmières s'occupent de lui, l'une d'elles, Nina Korovikova, on va l'appeler Nina, si vous voulez bien, encore une belle brune d'une quarantaine d'années, celle-là, et là, Brejnev en tombe carrément amoureux. Elle lui rappelle un amour de jeunesse. Elle est, si l'on ose dire, la copie conforme d'une femme médecin qu'il avait eu l'occasion de bien connaître pendant la guerre. Quelques jours après leur premier rendez-vous, un tailleur vient faire choisir à Nina des tissus et prendre des mesures. Et le lendemain, il revient pour un essayage et dans un délai rapide, elle reçoit comme ça toute une garde-robe, c'est pas mal. Elle choisit également tout ce qu'elle a envie dans le catalogue de cadeaux tout à fait luxueux, catalogue qui est régulièrement soumis à Brejnev. Nina, disons-le, va prendre alors elle vraiment de l'importance. Elle est bientôt omniprésente. Brejnev l'attend toujours avec impatience dans le salon de repos qui a été installé juste à côté de son bureau. Comme le confia le médecin personnel de Brejnev, nous dit Vladimir Fedorovski, Nina ne modéra pas la consommation de médicaments de son patient. Quand j'ai commencé à m'occuper de lui, dit-il, Brejnev était déjà surchargé d'antidépresseurs. Dans le langage scientifique, cela s'appelle dépendance médicamenteuse. Dans le langage commun, on appelle ça un drogué. Elle régit tout, Nina. Les soins journaliers qui sont prodigués au secrétaire général, mais aussi son agenda. Elle se mêle de hautes stratégies de temps en temps lorsque l'occasion se présente. Quand elle veut retrouver son mari qui est un obscur capitaine des gardes frontières devenu général de l'armée, elle augmente les doses de drogue. Elle se procure tout ça grâce à la complicité de Sergueï Tsinyev, qui est le numéro 2 du KGB, qui est un ami intime de Brejnev. Et elle fait ce qu'elle veut, si j'ose dire. Elle connaît exactement les doses utiles. Les apparitions publiques du secrétaire général deviennent de plus en plus pathétiques, il faut bien le dire. En juillet 75, il est en visite à Varsovie. Et au moment où retentit l'international, Brejnev se tourne vers la salle et se met à diriger les délégués. Il gonfle les joues, il agite les bras comme s'il était un chef d'orchestre. On se dit, mais qu'est-ce qui lui prend ? Bah oui, bien fou. Mais il est surtout un peu... drogué. Oui, bien imbibé. L'année suivante, il subit une grave attaque cardiaque et délègue presque toutes ses activités à un triumvirat composé d'Andropov, donc toujours le sacro-saint patron du KGB, du ministre des Affaires étrangères, l'indéboulonnable Gromyko, et de celui de la Défense, Oustinov. En 77, malgré... là, vraiment, il va plus bien du tout. Hein, il redevient président du Présidium du Soviet suprême, qui est la fonction honorifique de chef de l'État qu'il avait abandonné en 64 au moment du Triumvirat. Et il est là, à Paris, en tant que président du Présidium. Donc, après avoir été escorté par des Mirage F1 dès son entrée dans l'espace français, il est accueilli à Paris par le tir de 101 coups de canon. On ne fait pas les choses à moitié. Hein. Le numéro 1 soviétique, c'est ce qu'on appelle une visite d'État. Le numéro 1 soviétique déclare lors de sa première rencontre avec le président Giscard d'Estaing, « Prague est décidément une ville abominable. » Non, une ville, pardon, admirable. Pardon. Et le traducteur rectifie « Paris est une ville admirable. » Il avait confondu Prague et Paris. Ben oui, bon. Et moi, je vous rassure, je n'ai pas pris de drogue avant de commencer. Et ça ne s'arrête pas là. Brejnev fait même augmenter les doses. Ça lui permet de tenir, bien que les heures de travail soient considérablement réduites, il ne peut plus tenir sans ça. Il est littéralement dépendant maintenant. Et grâce à la guérisseuse qui est toujours là, la Djuna, là, qui a toujours ses entrées au Kremlin, eh bien, on essaie de sauver les apparences. On peut lire dans un article du Figaro Magazine de mai 80 intitulé « La belle Djuna a regaillardi Léonid Brejnev ». Je cite l'article. « Certes, le maître du Kremlin ne donne pas l'image d'un homme au mieux de sa condition physique. Il marche péniblement. On l'a vu monter avec difficulté les marches du mausolée de Lénine, d'où pendant une heure et demie, il a assisté au défilé sur la place rouge. Pourtant, il va beaucoup mieux que pendant l'hiver 79-80, où son visage défait avait frappé tous les observateurs. Le patron du KGB se dit de son côté que la situation devient vraiment grave. Il faut réagir. Il faut rappeler que l'Union soviétique traverse à ce moment-là une période compliquée. On est à la fin des années 70. L'URSS vient de se lancer dans l'intervention en Afghanistan, hein, en 79. Presque au même moment est élu président des États-Unis Ronald Reagan, qui souhaite détruire lui carrément l'URSS, qui l'a qualifié d'empire du mal. Et bientôt vont venir les premiers signes d'éclatement, notamment en Pologne, rappelez-vous, Jaruzelski et toute cette histoire. L'épouse de Brejnev, qui est consciente de l'emprise de Nina sur son mari, tient à préserver son ménage des conséquences d'une mise à l'écart. Elle prend néanmoins rendez-vous avec un haut responsable du Parti communiste pour éloigner cette femme qui devient vraiment trop présente. Le chef du KGB décide d'en parler en tête-à-tête à Brejnev. Seulement, la réponse ne se fait pas attendre. « Cela ne regarde que moi, » dit Brejnev. « C'est mon problème. Ne me parle plus jamais de cela. » Bon. Précaution que ne prendra pas un autre membre du bureau politique, Nicolas Polianski. Après une soirée bien arrosée, il faut dire, il ose exprimer son mécontentement de voir cette Nina se mêler maintenant des affaires politiques. Et le lendemain, eh bien, il est disgracié. Enfin, il est envoyé ambassadeur à Tokyo, c'est pas... Mais il n'est plus au Kremlin. Pour essayer de trouver une solution, les gardes du corps de Brejnev vont frelater la vodka avec de l'eau et toutes sortes de placebos qui sont commandés aux grandes sociétés pharmaceutiques occidentales. Il faut que tout ça soit le plus discret possible. Ça ne suffit pas. Désormais, il faut éloigner définitivement cette infirmière qui a pris décidément un peu trop de place au sommet des sommets de l'Union soviétique. Au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Alors cet après-midi, Franck Ferrand, vous nous emmenez à la découverte du Kremlin et on découvre que dans les années 70, au sommet de l'État russe, il y a Brejnev, mais il y a tout près de lui Nina, cette infirmière qui devient de plus en plus présente, oui, et qu'il faut éloigner. Cette Nina Korovikova qui gêne évidemment tout le monde, et le KGB à ce moment-là va entrer en lice, si je puis dire, en menant une de ces fameuses opérations. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une fameuse opération pour... Eh bien, on va organiser un étrange accident de voiture où va mourir le mari de Nina. C'est ce qui s'appelle un avertissement, sérieux avertissement. Du reste, elle va quitter le Kremlin. Les adieux entre Brejnev et sa fidèle infirmière se déroulent au début de l'année 82, et je cite à nouveau Vladimir Fedorovski. « Moscou, habituellement grise, s'était couverte d'un tapis blanc immaculé. Malgré le froid, les rues étaient remplies de gens, même les marchands de glace étaient à leur poste. Brejnev sortit avec peine de sa voiture pour se rendre à son bureau du comité central. Nina l'attendait à la porte du bâtiment. » Andropov, prévenu par les gardes du corps du président, arriva à l'instant même où ils se saluaient et s'interposa presque physiquement entre eux pour éviter que la conversation ne se prolonge. Tout se passa en quelques secondes. Et dans au cœur du Kremlin, des tsars rouges à Poutine, Vladimir ajoute « Le moment de la séparation fut un déchirement pour Brejnev, qui courut quelques instants sur le quai de la gare, poursuivant les larmes aux yeux, le train qui s'éloignait à jamais. Une chape de silence s'est abattue sur cette histoire à la Tchekhov, ressuscitée presque 30 ans plus tard, et dont un restaurant près de Moscou où se trouvaient Nina et Léonide garde seulement l'écho. Je sais ceci, le propriétaire de cet établissement a commandé une statue figurant Léonid Brejnev enlacée pour un tendre baiser avec son ultime amour. Nina va se retirer dans un appartement luxueux de Moscou. Elle n'évoque jamais, évidemment, cette relation. Et au cours de l'année 82, il ne fait plus aucun doute que Léonid Brejnev n'en a maintenant plus pour très longtemps. Il est, si vous me passez l'expression, au bout du rouleau, souffrant d'artériosclérose et d'une grave, très grave insuffisance cardiaque. Il n'arrive presque plus à marcher maintenant. Ses gestes sont raides, son visage est bouffi. Nous avons tous, enfin quand je dis tous, ceux qui étaient en âge de voir tout ça à l'époque, étaient effarés de l'état du patron du Kremlin. Une grande partie ses fonctions sont déléguées à Youri Andropov, chef du KGB, donc, et le 7 novembre, à l'occasion du 65e anniversaire de la Révolution, Brejnev préside le traditionnel défilé sur la place Rouge. Il est littéralement hissé par deux assistants au sommet du mausolée de Lénine où l'attendent trois hommes. Il y a évidemment Andropov, il y a évidemment Tchernenko et Gorbatchev. C'est intéressant d'ailleurs parce que ce sont ses trois successeurs qui sont là, comme si on avait la photo de famille des quatre personnalités qui vont diriger l'Union soviétique pendant quelques années. C'est la dernière apparition publique de Brejnev, puisque trois jours plus tard, il va mourir à 76 ans. Et la question, c'est de savoir ce qu'est devenue la guérisseuse. Parce qu'on a Djuna. Djuna, elle reste en activité. Figurez-vous, dans les années 80, elle compte parmi ses clients le ministre des Affaires étrangères de Gorbatchev, Edouard Shevardnadze. Elle est si populaire que lors de son mariage avec un producteur musical qui s'appelle Igor Madienko, on peut dire que quasiment tout le politburo était là, au grand complet. En 90, elle a fondé une Académie internationale des sciences occultes et elle a repris du service auprès de Boris Yeltsin, cette fois président de la Fédération de Russie. On sait que Yeltsin n'était pas en bonne santé. Hein. Lui aussi était cardiaque et lui aussi très porté sur l'alcool. Alors en plus, lui, il avait une véritable phobie des médecins. Comme Brejnev 20 ans plus tôt, il disparaît souvent de la vie publique, pratiquement tous les 3 mois et pendant des périodes de plus en plus longues. On lui administre des cocktails de vitamines concoctés par les médecins du Kremlin. Ça rappelle quelque chose quand même. C'est assez amusant de voir à quel point, après la révolution invraisemblable qu'a pu connaître la Russie, il y a d'abord eu cette perestroïka de Gorbatchev, puis cet effondrement de l'Empire en tant que tel. Boris Yeltsin, ancien hiérarque du parti, certes devenu président de la Fédération de Russie, n'en pratique pas moins à peu près, n'en a pas moins à peu près les mêmes pratiques que ses devanciers. Le Kremlin reste le Kremlin, si je puis dire. En 1994, l'état de Yeltsin s'aggrave. Si la version officielle assure que le président joue au tennis et ne boit pas, en fait tout le monde sait très bien qu'il boit 1 litre de vodka par jour. J'ai le souvenir moi d'avoir été en Russie pour des vœux de premier l'an et on le regardait à la télévision littéralement sidéré. Je vous promets qu'il ne tenait quasiment pas debout, c'était incroyable. Et bien c'est à ce moment-là que Djuna va reprendre du service. Elle est même candidate aux élections législatives de 1996. Elle disparaîtra de la scène publique seulement au début des années 2000 et Nina, j'ai le regret de vous l'annoncer, n'est plus aujourd'hui. Elle est morte en 2015 à 65 ans. Bonjour Vladimir Fedorovski. Quel plaisir de vous retrouver. Vous me rappelez toute ma jeunesse. Je les ai tous connus. Mais c'est ça tous qui connus. Est fort. J'ai connu quand même. J'étais interprète de Brejnev de la langue arabe. Mm-hmm. Et ma carrière, où j'ai eu 3 vies, vous connaissez, j'étais quand même diplomate. Mais les chats en ont 7, ça vous laisse un peu de... De longues années, j'étais après de longues années au Kremlin, quand même, plus de 20 ans. Après, j'étais porte-parole des anti-putschistes avec Eltsine sur le char. Sûr. Vous souvenez? Après, quand même, maintenant, l'écrivain. Mais tout ce que vous savez, c'est peut-être la première fois que je raconte certaines choses. Et je tiens à vous féliciter, Franck Ferrand. Parce que, vous savez, quand vous racontez ça, on pense tout de suite... J'ai pensé toujours que c'est la réalité qui dépasse la fiction. Ah, mais c'est ça, oui, vraiment. Mais la réalité... J'hésite. Est-ce que c'est Kafka? Est-ce que c'est Ionesco, le théâtre d'absurde? Est-ce que, mon ami Maurice Druon, il disait « Tu dois faire les tsars maudits ». Roi maudit. Vous voyez l'ambiance de roi maudit? Eh bien, vous avez si bien fait avec Nina et les égéries magnétiques. En fait, ce n'est pas Kafka, ce n'est pas Maurice Druon, c'est tout simplement Vladimir Fedorovski. Europe 1. Cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Comme cet après-midi sur Europe 1, au cœur de l'histoire du Kremlin, et nous découvrons le Kremlin et ses moindres recoins grâce à votre invité Franck. Vous recevez Vladimir Fedorovski, il est écrivain, ancien diplomate et auteur de Au cœur du Kremlin, des tsars rouges à Poutine, paru chez Stock. Alors nous allons parler de ces tsars maudits dans un instant, Vladimir Fedorovski. Nous allons revenir bien sûr sur l'entourage un peu étrange de Léonid Brejnev. On va parler ensuite de ses successeurs, etc. Mais avant cela, les lieux même. Nous sommes habitués à la télévision depuis tant d'années maintenant à voir ces gigantesques salons pleins d'or, pleins de fresques. C'est très impressionnant, le Kremlin. Quelle est l'ambiance réelle? À quoi ça ressemble, le Kremlin? Racontez-nous ça. Le Kremlin, c'est une sorte de forteresse, un symbole à la fois du pouvoir russe. En hauteur à Moscou. En hauteur à Moscou, qui domine Moscou. Mais esthétiquement, c'était un grand plaisir pour moi de reconstituer ces souterrains du Kremlin. Je raconte dans le livre les lieux cachés du Kremlin. Je raconte les monastères esthétiques, les couleurs tout à fait étonnantes. Très éclatantes. Très, très éclatantes. Vous savez que les murs du Kremlin, les couleurs de sang, et les Russes disent... Les murs du Kremlin gardent la mémoire, et j'ai passé beaucoup de temps, j'ai eu physiquement ce sentiment que Ivan le Terrible, c'est encore à côté de moi, ou encore Staline, quand il ne quitte pas le Kremlin, quand Hitler, contrairement à ce qu'on raconte les manuels de l'histoire, c'est pas à 17 kilomètres du Kremlin. Les Allemands ont été à 6 kilomètres du Kremlin. Et là, on est au cœur de l'histoire. Là, on est au cœur du Kremlin. Il y a au Kremlin les grands... vous avez parlé de tous ces monastères. Il y a toute une partie qui est un musée absolument sublime. Il y a les très grands salons de réception, encore une fois, qu'on voit souvent à la télé. Mais il y a quand même des bureaux là-dedans. D'ailleurs, il y a des bureaux qui ne sont pas très esthétiques, si je puis me permettre. Il y a des bâtiments. Enfin, il y a des gens qui travaillent au Kremlin, quand même. Bien sûr, mais vous savez, ça vous choque simplement certaines... esthétisme en réalité. C'est un esthétisme soviétique, disons. C'est un esthétisme stalinien. Stalinien. Parce que, mais l'architecture stalinienne, surtout les meubles conçus par ce dictateur, l'homme le plus populaire aujourd'hui de la Russie, incroyable. Plus populaire que Pierre le Grand. À deuxième, c'est à Brejnev. C'est-à-dire si grande est l'ignorance quand même dans une partie de la Russie quand même. Enfin, bref, non, ça c'est une discussion, mais enfin là, en tout cas, c'est un constat. Oui. Et vous avez raison que j'ai passé pas mal de temps dans les bureaux du Kremlin, et vous ressentez cette ambiance, paradoxalement, cette ambiance des bureaux rejoint quand même cette tradition de la Russie éternelle, mais d'autre part, il y a les salles d'apparat, oui, salle Saint-Georges, les dorures, les icônes, la chambre à facettes, tout ça c'est absolument époustouflant, éblouissant, au sens éblouissant. Propre du mot. C'est fait exprès d'ailleurs, hein. C'est bien un sûr, instrument mais de pouvoir. Ça fait partie du jeu, bien sûr. Oui. Ça reflète cet esprit de la Russie éternelle, c'est vrai. Et je pense que le pouvoir au Kremlin, et même Poutine, il quand même met en scène ça. Mmh. Mais enceinte consciemment. Oui, le président Poutine en a beaucoup rajouté d'ailleurs sur le décorum, etc. Hein, bien sûr, même parfois un tout petit peu trop. Mais président Poutine, c'est quand même antithèse, parce que vous comprenez, j'ai raconté dans le livre sa journée. Sa journée commence quand même à 8h30. Il fait une heure et demie de la gymnastique. C'est plus la vodka, là. De la gymnastique. Pas du tout de la vodka. Ah, non. Une heure et demie de la gymnastique, puis une demi-heure avec la copine, et puis il part au Kremlin. Il travaille tout le temps en Je raconte qu'est-ce qu'il... Il ne boit pas du tout de la vodka. Il boit une sorte de bouillie préparée par lui-même. Pas du tout magnétique, mais cette fois-ci avec un peu d'ail. Et il prend les fruits secs. Poutine, c'est vraiment... C'est un bourreau de travail. De haut niveau, sportif lui. De haut niveau. Mais alors, Brejnev, il était... Vous savez, je vais vous dire, ça me fait plaisir. Franchement, ça me fait... Parce que ça me rajeunit. Quand j'étais... Je vais vous faire une petite révélation. Je dis dans ce livre, je dis tout ce que j'ai jamais dit. Je tiens à vous dire que toute ma carrière, qui était une quand même longue carrière et assez étonnante carrière, est liée avec Brejnev. Alors il faut que vous nous disiez comment vous, et pourquoi vous avez rencontré Brejnev. C'est très hasard. Intéressant. En hasard, j'étais en Mauritanie, en diplomate obscur, et à l'époque... À l'époque où la Mauritanie, bien Mauritanie, sûr, était dans trois rues de Goudronnet, vous imaginez et bien. Et puis, était dans la sphère soviétique, bien entendu. Mais oui, les Chinois, rivalité, mais quand même les Français. Mais bref, à ce moment-là, je viens, et il y a quelqu'un qui vient, et je lui traduis de la langue arabe. Et à l'époque, je criais. Déjà, je crie maintenant, parfois, oui, à votre antenne. À nous votre avons antenne, un excellent, à votre antenne, un excellent réalisateur qui gère votre micro. Plus je crie, plus il m'écoute. Et après, à la fin, il me dit, Vladimir, peut-être vous en avez marre de Mauritanie, je vais vous tester auprès de Brejnev. Je dis, pourquoi? Mais l'autre répond, mais parce que Brejnev est sourd. Et c'est vrai que Brejnev m'a capté pendant... Donc vous êtes arrivé... Je suis arrivé au Kremlin et je l'ai observé, c'est un personnage. Vous savez, parmi les gens que j'ai connu bien Gorbatchev, Eltsine, tout ça. Franchement, Brejnev, à mon époque, il était le plus affable. Mm-hmm. Il y a une très phrase, civil, très aimable. Très aimable. Il pensait assez... Dieu sait qu'il m'a demandé, quand il est devenu gâteux, qu'est-ce que je veux faire. J'ai dit, j'ai osé de dire que je voudrais être attaché culturel à Paris, et mon vœu était exaucé. C'était un miracle. Alors, je dois quelque chose à cet homme-là, mais on a raconté côté absurde. Mais en Brejnev, vous avez si bien marqué, il y a l'ambiance tchékovienne. Oui, vraiment. Quelle phrase étonnante, il m'a prononcé. Il a dit, vous savez, Vladimir, j'aime aimer. Puisque il, c'est joli. C'est joli. Il aime aimer. C'est un peu tchéco. Parce que, vous savez, c'est pas Eltsine, c'est pas vulgaire. Vous comprenez? Ça pourrait venir de la cerisée. Oui, oui. Mais lui, il adorait l'histoire d'amour. Et cette fin de Brejnev, que vous avez, c'est burlesque, bien entendu. Mais c'était touchant. Vous imaginez, il a connu une femme. Ça lui rappelait la guerre, une histoire éblouissante. Et puis, c'est le dernier amour. C'était pas du tout vulgaire, l'histoire. Elle est tragique. Et c'est pas par hasard que cette dame Nina, elle a gardé le silence. Parce que pour elle, c'était une histoire aussi assez forte. Mais vous l'avez connue, elle, cette Nina, non? Je l'ai connue, mais elle ne voulait pas parler, franchement. Oui. Parce qu'avec Juna, j'ai eu des longues conversations. Ah, parce oui. que vous vous souvenez, quand on a fait notre émission mythique sur Rasputin, j'ai travaillé sur Rasputin et j'ai voulu les Rasputin maintenant. Et j'ai vu Chaman et j'ai eu des longues conversations avec Juna sur la technique, comment elle faisait, etc. Elle m'a expliqué quand même, c'est une... aussi, il y a l'hérédité, il ne faut pas vulgariser les choses. Bien sûr, bien sûr. C'est une grande tradition russe, mais parfois c'est aussi une manipulation. Parce que dans le cas d'Eltsine, je voudrais rajouter, Juna était à côté de lui, mais il y avait un autre magnétiseur, un général de service secret, je vous donne son nom, Ragozine. Il lui apportait les pronostics, il lui apportait les pronostics astrologiques, tout ça, mais ça mettait en scène des choses beaucoup plus pointues. C'était une manipulation. Par exemple, quand il a commencé la guerre en Tchétchénie, tout le monde dit, pense que la guerre en Tchétchénie 94, c'était carrément la manipulation, et on a convaincu Eltsine de commencer la guerre parce que les astres. Mais alors là, vous êtes en train de nous dire que, et ça n'est pas une exclusivité russe, puisque nous avons quelques exemples en France, nous en parlions il n'y a pas si longtemps d'ailleurs, à propos de Madame Fraya, et puis des exemples aux États-Unis Mitterrand, très célèbres. Mitterrand avec. Mitterrand, avec les choses classiques, évidemment. Madame, franchement, Reagan, il prenait les collègues. Mais oui, les, Madame les, Reagan, les, oui. Reagan. Parce que, vous savez, quand je travaillais sur le Kremlin, évidemment, j'ai voulu les comparaisons avec oui, les choses. Sûr. Et on a évidemment les éditions fatidiques qui ont été déterminées par Madame Reagan en fonction des astres. Alors, Hélas, pour mon livre, ce n'est pas une particularité du Kremlin. Moi aussi, il y a les influences à la Maison Blanche. Ça n'est pas une particularité, mais ça prend quand même une tournure très spécifique en Russie, comme tout le reste d'ailleurs. Bien sûr, exact. Est-ce qu'il y a de formidable dans ce que vous nous racontez, c'est le rôle politique incontestable d'un certain nombre de ces personnalités occultes qui finissent par s'arroger au sommet de ce qu'on pense être la bureaucratie la plus verrouillée de la planète, quand même, le soviet suprême de l'Union soviétique. On ne peut pas faire plus administratif. Eh bien, il y a une grande place pour l'humain. C'est très important. C'est ça, finalement, qu'on découvre dans votre bien ouvrage sûr, Au cœur du Kremlin. Quand j'ai, vous savez, c'est un livre à multiples facettes. Évidemment, ça raconte l'histoire cachée du XXe siècle. Mais c'est aussi un document humain. Et l'influence personnelle, humaine, cet aspect, si vous me permettez, tchékovienne de l'histoire, ça m'a passionné. Alors, on va venir dans un instant, si vous voulez, à cette espèce de brochette qu'on avait vue à la tribune du mausolée de Lénine pour le grand défilé sur la Place Rouge, là, en 1982, dernière apparition officielle de Léonid Brejnev. Et puis, il y a à ses côtés tous ceux qui vont lui succéder, et tout cela aussi, vous les avez connus, Vladimir Fedorovski. Votre ouvrage s'intitule « Au cœur du Kremlin, des tsars rouges à Poutine », et c'est publié chez Stock. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand. Nous sommes cet après-midi sur Europe 1, au cœur de l'histoire du Kremlin. Avec votre invité Franck Ferrand, nous découvrons ce lieu à Moscou. Vous recevez Vladimir Fedorovski, il est écrivain, ancien diplomate et auteur d'Au cœur du Kremlin, des tsars rouges à Poutine, un livre paru chez Stock il y a quelques jours. Je ne vous demanderai pas de droit d'auteur, Vladimir Fedorovski, mais au cœur du Kremlin, on n'est pas très loin d'au cœur de l'histoire. J'ai pensé, mais je voudrais vous dire, corriger quand même le tir. Ce livre, Au cœur du Kremlin, pour rendre hommage à votre émission, tout ce que j'ai jamais dit, mais ça a paru quand même hier. Et c'est la première émission, parce que vous savez, moi je suis russe quand même par excellence. Je voudrais vous dire, depuis d'années, je suis devenu superstitieux. Et je commence tous mes livres. Quand je viens chez vous, ça marche toujours. Alors vous voyez, je par superstition... Je vous souvenez de notre émission, notre émission mythique sur Rasputin. Mais comment, oui. Rasputin, je me demande si ce n'était pas la première. Ici. Je constate, Vladimir Fedorovski, que finalement, la superstition est omniprésente chez les Russes. Vous en êtes vous-même l'incarnation. Bien sûr, mais vous savez, j'assume complètement mes racines. Cela dit, j'atténue ça parce que je suis écrivain quand même. Oui, français, on peut... Vous êtes le plus français des Russes, disons-le. Le plus français des Russes, un peu d'esprit cartésien. Mais je me souviens, vous souvenez, on a parlé déjà avec vous aussi, j'ai un ami, Salvador Dali, qui me disait toujours, on est si proche parce qu'on est complémentaire. Vous voyez, ces excès russes, ça vous apporte une sorte de pétillement. Dostoïevski, c'est excessif. Tolstoï, c'est excessif. Et Djouna, évidemment. C'est excessif. Je comprends pourquoi Léonid Brejnev aimait bien vous avoir pour interprète, parce qu'effectivement, pour quelqu'un d'un peu dur d'oreille, ça devait être parfait. Ma carrière est liée avec ça. Mais cela dit, après, quand je parle de Brejnev, pourquoi je suis vraiment... Parce que quand j'étais attaché culturel, vous savez, c'est les meilleures années de ma vie. J'ai eu 27 ans et c'est quand même... Vous venez la fin de Trente Glorieuses ici, c'était extraordinaire. Un bouillonnement culturel extraordinaire, à Paris. Mais après... Peut-être la meilleure période que j'ai connue ici aussi là-bas, c'est un cadeau aussi de destin. J'étais dans le complot de quelqu'un Alors, qui attendez, était présent. On n'y est pas encore là, parce qu'avant ça, j'aimerais qu'on évoque Youri Andropov, personnalité que j'ai citée à plusieurs reprises, puisqu'il dirigeait cet organe qui, vu d'Occident, nous fascine et nous fait peur tout à la fois, l'ancêtre du FSB, le fameux KGB, comme nous l'appelons nous en France. Ce KGB était très dangereux, il faut le dire, menait des opérations aussi bien à l'intérieur de l'Union soviétique que partout dans le monde, qui fascinait. Je raconte ça, encore une fois, burlesque, je raconte quand même au cœur du Kremlin, vous savez, sexe-espionnage, ça c'est une particularité d'Andropov, mais vous avez raison, Franck Ferrand, d'évoquer Andropov, parce qu'Andropov, elle a la cote en Russie. C'est un personnage très structuré, le mieux informé sur la situation de là-bas, et Il est adoré aujourd'hui par les Russes parce qu'il proposait... Andropov est adoré. Ah oui, oui. Moins, il est moins, vous savez, moins populaire que Brezhnev et Staline, mais juste après, c'est Andropov. Pourquoi ? Parce qu'il n'a pas passé beaucoup de temps comme chef du Kremlin, juste une année, parce qu'il était aussi malade, mais il a fait peut-être une erreur de sa vie et il a proposé une vision. La vision, ce n'était pas du tout le changement radical. Il voulait faire le changement comme les Chinois, mais presque en même temps que les Chinois. Et les Russes disent que c'est lui qui a raison. C'est-à-dire, vous verrouillez le système et vous faites changer l'économie, vous ne touchez pas à la au problème de la liberté. Et franchement, et après l'erreur, il s'est trompé. Et encore une fois, dans votre récit, vous avez évoqué plusieurs fois le mot cher à la civilisation russe, la vodka. Mais oui. Et la vodka, je vais vous dire, Andropov détestait la vodka. Et il y avait à côté de lui un jeune homme, à peine 40 ans, qui apparaît, qui était un obscur secrétaire fédéral dans une région d'Andropov, qui était parfait, volubile, structuré. Le seul défaut, pour un apparatchik, il buvait. Il ne buvait pas. Ah non, il ne buvait pas, pardon. Il ne buvait pas. Il ne le buvait défaut, pas. C'est de pas boire. Et comme Andropov, il détestait les. Vous savez, c'est un personnage assez austère, très structuré, je vous dis. Il détestait. Et cet homme qui ne buvait pas, c'était un certain Mikhail Gorbatchev. Et là, un coup de bol pour moi. Quand je suis rentré après mes années de faste à Paris, en fait, le livre est structuré aussi à travers ce que j'ai vécu personnellement. Et quand je suis rentré là-bas, j'étais mis par hasard dans le complot de Gorbatchev. Alors, un mot, attendez, on y vient à Gorbatchev, on y vient bien sûr, mais il y a eu avant ça cette fameuse affaire Farewell qui a secoué le monde de l'espionnage et du contre-espionnage. Ah, complètement, mais vous avez raison, parce que dans au cœur du Kremlin, je raconte aussi, vous savez, c'est structuré, je prends le tsar, la succession, et donc pour chaque tsar, il y a les espions fatidiques qui ont joué un rôle fatal. Il y avait pour chaque... Et pour ces années de Brezhnev, vous avez raison, le meilleur espion français qui a changé la donne, qui est évidemment ce qu'ils appellent quelqu'un qui vous porte les secrets, pas pour l'argent, parce qu'il est guidé parfois par le destin. Et ça, c'était un certain colonel Vetrov, qui a travaillé d'ailleurs à l'ambassade ici, qui a connu... Donc vous avez bien connu d'abord. Je l'ai croisé, je ne dirais pas que j'ai bien connu, mais quand même je l'ai croisé, et objectivement, il est devenu... Il était ce que... Je suis désolé d'utiliser le mot anglais, il était ce que les Anglais appellent... il a proposé ses services, vous savez, walk-in, ils disent les Anglais. Walk-in. C'est-à-dire quelqu'un qui vient vous proposez, il a proposé... Qui va au-devant des attentes. Au-devant des attentes, c'est-à-dire il n'a pris pratique. Vous savez, quand on pense que qu'est-ce que le Français lui payait, il lui a donné quelques bouteilles de champagne et, vous savez, un manteau de fourrure, pas même vrai, le manteau de fourrure de faux fourrure, de fausse fourrure, pour sa maîtresse, c'est tout. Vous comprenez ? Mais il a donné tous les secrets, vraiment, cette fois technologique, pour les Français, et ça a changé complètement la donne, ça a permis une grande manipulation de Reagan autour des guerres des étoiles, tout bref. Mais je raconte ça, plusieurs affaires d'espionnage, parce que chaque fois, ça voisine l'histoire de Farewell est tragique, parce qu'il va mal terminer. Mais il y a dans ce livre, il y a une histoire charmante d'un ambassadeur français qui était piégé, vous savez, encore tout le temps de Khrouchtchev, encore. L'ambassadeur, il s'appelait Dejan, que j'ai connu personnellement, il était piégé par une hirondelle soviétique. Après, il est convoqué par le général de Gaulle. Et on m'a raconté, de Gaulle le regarde. Il regarde encore plus. De Jean tremble. Quelle sera la punition ? C'était une seule phrase qu'il a prononcée qui est entrée dans les annales. De Gaulle a dit, alors de Jean, on couche. Et voilà. Vous voyez, c'est comme ça. Alors, il y a, vous avez raison, dans ce livre aussi, cet aspect de l'histoire secrète et de l'espionnage qui est bien là. Et je vais vous dire, ce qui est fascinant dans votre ouvrage et dans un certain nombre des récits que vous avez déjà eu l'occasion de nous proposer sur toute cette période de la fin de l'ère soviétique, c'est que on aurait tendance a priori à considérer le Kremlin et toutes ces administrations soviétiques comme des lieux extra, comme de vrais mouroirs, comme des lieux très ennuyeux, on se rend compte pas du tout. Il s'en passait de belles dans tous les sens. Vous donnez des couleurs à l'ère soviétique, Vladimir. Non seulement à l'ère soviétique, mais c'est une grande tradition russe qui est passée. Simplement, on raconte à travers de cela, vous ressentez la face cachée du XXe siècle. Voilà, La face cachée du XXe siècle qui a changé la donne, qui a changé notre vie. Mais vous comprenez, par exemple, peu de gens savent. Moi, je suis jusqu'à l'heure actuelle, côté humain de ça. J'étais dans le complot de Gorbatchev. Mais par exemple, la fin de la guerre froide, la chute du mur, je raconte comment ça s'est passé réellement. Deux ou trois personnes qui ont déterminé ça. Et encore une fois, une femme, vous avez vu que j'ai une faiblesse pour les égéries. Cette fois-ci, c'est pas une égérie politique, magnétique, c'est une égérie politique extraordinaire, plus que conseillère, vraiment une sorte de coéquipière de cette entreprise de la perestroïka. Et je raconte pourquoi le mur est tombé. On doit ça à Raïssa Gorbatchev, une femme affable, assez visionnaire, qui a joué un rôle tout à fait exceptionnel. En fait, ce n'est pas Gorbatchev, on devrait dire les Gorbatchev. Hein. Évidemment. Ils sont deux. Mais c'est comme ça que je raconte ça. Comme ça que je raconte ça. Vous comprenez? On se souvient, moi je raconte, il y avait une réunion fatidique sur la fin de la guerre froide. Deux contre-domistes de la défense et de mes amis réformateurs. Gorbatchev n'arrivait pas à se décider. Il discute très tard dans la nuit. Et après, mon ami Yakovlev, il prend le téléphone. Il téléphone à Raïssa. Et il a dit: si on accepte le plan du KGB pour écraser l'Allemagne, les révoltes en Allemagne de l'Est, on est otage du KGB et de l'armée, et la perestroïka est foutue. Et elle a briefé Gorbatchev sur l'oreiller, et c'est comme ça que la chute du mur a... Vous lui donnez une importance considérable, mais elle fait partie quasiment de la longue lignée de ces tsarines qui ont transformé la Russie, Raïssa Gorbatchev. Ça, vous connaissez très bien, parce qu'il y avait une grande, encore une fois, tradition russe, c'est tout le XVIIIe siècle. Il y avait cinq femmes qui ont régné en Russie, mais il y avait quand même une longue trêve, je dirais, avec les dictateurs et les tsars, quand même. Encore un petit parfum d'espionnage avec l'affaire Coppelia, dites-nous juste. On lève le voile sur l'affaire. Ah oui, sur Gorbatchev, oui. L'affaire Coppelia, c'est intéressant parce que, vous comprenez, maintenant on parle souvent de cette émission russe dans les affaires américaines. Et ça, j'ai tenu parce que ça me semble un peu exagéré, sinon même hypocrite. Et je raconte dans le livre deux histoires. Vous parlez de l'affaire Coppelia, c'était un téléphone le plus secret de Gorbatchev qui était piégé par la CIA. Ils ont acheté en réalité le chef de communication de Kremlin, s'il vous plaît. Ils ont écouté tout, même le code atomique qu'ils connaissaient. C'est ça le drame pour les Russes. Et ça, c'est... Et puis, enfin, la presse, on peut quand même de l'opérette, puisqu'ils ont fait exfiltrer cette chef de communication traître par les souterrains du Kremlin. Vous imaginez, je raconte. Et tout ça, c'est comme un film. Un roman d'espionnage. Et puis, plus sérieux encore, et ça, c'est une affaire qui remonte à 96. Il y avait, quand Eltsine est devenu gâteux, vous comprenez, il n'arrivait pas à marcher. Vous savez, moi, j'ai de sympathie quand j'étais avec lui pendant le putsch, mais après, il était... C'est pas... Ça arrive en France aussi. Vous comprenez, quand les gens se trompent, la fonction peut tuer les personnages. Et Eltsine, il était tué par le fait qu'il était président. Il n'arrivait pas à assumer ça. Oui. Et que c'était en 96, il y avait les élections et il devait les perdre. Il était en train de le perdre et les Américains envoyaient une équipe, je raconte, une formidable équipe, les étapes, les faces cachées, et ils ont fait élire carrément Eltsine en 96. Ça, c'est juste pour atténuer cette discussion qui bat son plein à propos de Trump, Poutine pas... comme enrôleur de Trump et toutes ces bêtises. On n'a pas beaucoup, on a, avec vous, pendant cette heure, nous nous sommes promenés, si je puis dire, dans toutes les coulisses et dans les choses trappes et les souterrains du Kremlin à l'instant même encore, mais on n'a pas peut-être suffisamment insisté sur le caractère stressant de la vie au Kremlin, c'est-à-dire que chacun joue là sa carrière, et pour certains même, on les a vus jouer leur vie quand même. Ça n'était pas un jeu innocent. Évidemment. Mais vous savez, il ne faut pas qu'on... Vous savez, on me dit souvent, ah, les intrigues, ça arrive à Maison-Blanche, à l'Élysée, etc. Pas du tout. Là, on joue pile au face. Rien que Brejnev, quand il prend le pouvoir avec Khrouchtchev, je raconte ça, il a proposé d'abattre l'avion de Khrouchtchev en provenance du Caire. Si j'ose dire, on ne plaisante pas. Vladimir Fedorovski au cœur du Kremlin, des tsars rouges à Poutine. C'est édité chez Stock. Le livre est facile à reconnaître, il est tout rouge. Europe 1, au cœur de l'histoire. Retour aux origines. Avec aujourd'hui un retour aux origines qui va parler à tous nos auditeurs parce que vous allez nous expliquer d'où viennent les noms donnés aux rues. Depuis quand on nomme les rues? Tiens, Franck. Depuis, j'allais dire toujours, peut-être pas, mais en tout cas les noms de rues datent du Moyen-Âge pour beaucoup. Ces dénominations au départ sont en lien avec l'environnement, sont données en fonction de la situation du lieu, des édifices religieux, de l'activité exercée dans le quartier, des noms des propriétaires la rue également, de la rue des abattoirs, la rue de l'église, la place du marché ou que sais-je. Encore la rue de l'hôpital. Bon. Et au début du XVIIe? Ah ben au début du XVIIIe siècle, ça change, si l'on peut dire, puisque Sully, le grand ministre d'Henri IV, le duc de Béthune, avec, en accord avec le prévôt des marchands et les échevins de Paris, décide de donner des noms qui ne sont plus en rapport direct avec les lieux. C'est-à-dire qu'on va donner des noms d'hommages. Ça change. Et puis, à la Révolution, des voies sont carrément débaptisées au profit des idéaux du moment. C'était d'ailleurs inouï, hein, ce qui s'est passé. On a vu fleurir partout des rues de la liberté, de l'égalité, que sais-je, les places des droits de l'homme, enfin bon. Les rues se sont, si j'ose dire, républicanisées, voilà. Et à partir de là, on se met à vouloir systématiquement, lorsqu'on est au pouvoir, donner aux rues les noms de ses gloires. Et c'est ce que va faire Napoléon, notamment, et toutes ses victoires, vous savez, et les noms de ses généraux, et de ses maréchaux, etc. Tout ça dans un certain désordre. On verra la même chose ensuite sous le Second Empire, et même sous la Troisième République, quand même. Dans les années 1860, un classement a été mis en place pour recenser les rues de Paris, et le principe a été adopté par toutes les communes de France. À partir de là, on peut dire, comme Victor Hugo, que la rue est le cordon ombilical qui relie l'individu à la société. Oh, il n'y avait quasiment que Totor pour nous sortir des formules comme celle-là. Ça en est fini des mots doux, Totor. Non mais où vais-je chercher ça? Nous nous retrouvons demain à 14h, chère Anissa. Demain, vous nous ferez revivre l'épopée des chevaliers hospitaliers. Nous irons nous balader du côté de Rhodes demain. Europe 1, au cœur de l'histoire. Franck Ferrand.